Tu m'as trahi, mais je vois que par toi, baby. Tu me fais trop de soucis. Plus jamais. À cause de toi, j'ai trop d'ennemis. Beaucoup de jalousie. Toi, t'es ma lady. Toi, t'es ma baby. Je vois que par toi, je regarde même plus les belles filles. T'es fraîche quand tu sors en boîte. Quand t'envoies des petits pas de danse. Avant de te voir, j'ai toujours l'angoisse à savoir si tu vas me mettre dedans. Toi, t'es ma lady. Toi, t'es ma baby. Je te veux que toi, parce que tu me rends crazy. Pour toi, je pourrais tout quitter. Je fais des cauchemars où tu me dis mais quitter. Où tu cherches qu'à m'éviter. Pourtant, cherche pas qu'à m'éviter. Et je vois ma vie dans ton regard. Tu es plus qu'un rayon de soleil. Pour tout te dire, des fois je m'égare. Tellement je te vois dans mon sommeil. Tu me cherches, mais ton boulot en valeur, obligé de te dire à ta l'heure. On me fait pas remarquer, moi je protège mes valeurs, aime-moi et vis mon malheur. Tu m'as trahi, mais je vois que par toi, baby. Tu me fais trop de soucis. Plus jamais. À cause de toi, j'ai trop d'ennemis. Beaucoup de jalousie. Je t'aiderai, je t'aimerai, et même en galère. Même si des fois ça en aura pas l'air. J'ai l'amour, c'est la chanson. Tu sais, mais des fois j'ai pas l'air. Je fais comme je peux, je m'en sors. Je sais qui je suis, je me prends pas pour un autre. Les autres veulent me jeter des sorts. Dur de rentrer dans un cœur quand c'est de l'or. Faisons notre vie à deux. Jalousés, ils savent que faire ça eux. Oublie tes copines, ce soir c'est moi qui t'en. On se saoule et on oublie le malheur. Tu m'as trahi, mais je vois que par toi, baby. Tu me fais trop de soucis. À cause de toi, j'ai trop d'ennemis. Beaucoup de jalousie. Tu m'as trahi, mais je vois que par toi, baby. Tu me fais trop de soucis. À cause de toi, j'ai trop d'ennemis. Beaucoup de jalousie. Toi, t'es ma lady. Toi, t'es ma baby. Je vois que par toi, je regarde même plus les belles filles. T'es fraîche quand tu sors en boîte. Quand t'envoies des petits pas de danse.